C'est très fort. Mambo ya nguvu kabisa. N'adore pas celui que tu ne connais pas. Apana kuabudu ule haujue. Fais tous tes efforts. Ujikaze kabisa kabisa. Pour connaître le Dieu que tu adores. Ili ujue ule Mungu unapoabudu. La différence ne viendra pas parce qu'on est ensemble à l'église. La différence ne viendra pas parce que les gens sont sur TikTok ou sur Facebook. La différence dans la vie vient de la connaissance de Dieu. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. Donc quand Jésus se mettait à adorer Dieu, il dit, je le connais. Je le connais. Frère, tu dois adorer celui que tu connais. Alléluia. Amen. Tu dois adorer celui que tu connais. Tu dois prier. Celui en qui tu as la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais là, quand on dit vient de la parole de Dieu, les gens pensent tout que ça vient de la Bible. Mais on ne dit pas ça vient de la Bible. On dit ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole écrite, la parole révélée à travers les circonstances, à travers la création, à travers Dieu lui-même. Parce que Hébreux 11, 6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Oh bien-aimé, l'année 2026, la différence viendra de ta connaissance avec Dieu. La différence dans ta façon de marcher. La différence dans ta façon de servir Dieu. La différence quand tu es seul. Bien-aimé, la différence entre les gens vient de la connaissance avec Dieu. Nous sommes là, il y a plusieurs têtes. Il y a plusieurs têtes. Mais nous ne savons pas ce que chacun a dans sa tête. Donc la différence, elle est cachée. Il y a plusieurs cœurs. Nous ne savons pas ce que chacun a dans son cœur. C'est pourquoi Jésus a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Je vais prendre un exemple dans la Bible sur lequel nous allons parler ce soir et qui va nous aider à comprendre la puissance de la connaissance de Dieu. Il dit que cette année nous allons beaucoup travailler dans le livre de Daniel et nous allons comprendre certaines choses. Daniel, c'était un esclave. C'était des Juifs qu'on a déportés, qu'on a pris en Israël et qu'on a amenés à Babylone. Alors le roi avait dit, choisissez-moi quelques jeunes gens beaux, des figures, tout ça, que je vais enseigner et leur donner la connaissance de nos dieux de Babylone. C'était ça l'objectif du roi. Qui ne peuvent pas nous être utiles ici s'ils ne connaissent pas notre Dieu. Oh bien-aimé, partout tu seras. Tu ne seras jamais utile si tu ne connais pas très bien ton Dieu. C'est un principe. Les gens de ce monde disent connaître leur Dieu. Et nous disons pour être utile, il faut connaître Dieu. Alors il a pris quelques jeunes gens juifs. Mais regardez très bien comment ça se passe. Il faut instruire. Il faut les nourrir. Il faut qu'ils pratiquent. Pour connaître notre Dieu. Et pour connaître, il faut une intimité. Et c'est comme ça qu'il devait manger de la viande. Et vous êtes d'accord avec moi qu'à l'époque, c'était des viandes qui étaient sacrifiées. Et après, on donnait aux gens pour manger. Daniel et ses amis ont compris que si nous mangeons ça, nous serons en désaccord avec notre Dieu. Mais pour connaître Dieu, il y a des moments où il faut se priver de certaines choses. Il n'y a pas de connaissance sans privation, sans sacrifice. Ils ont dit, nous allons manger des légumes. On dit non, on a dit que vous devez manger comme les autres. Non. Alors ils ont dit, nous allons manger des légumes. Et après 10 jours, vous allez voir la différence. On les a soumis à deux nourritures différentes. Et après, on a constaté qu'ils étaient en meilleure santé que les autres. Déjà dans leur tête, ils ont compris qu'ils avaient un Dieu différent de l'autre. Bien aimé, les petites expériences que tu fais avec Dieu doivent t'apprendre à connaître le Seigneur. N'attends pas de grandes expériences. Dieu a besoin de petites expériences. Dieu a besoin de petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui donnera de grandes choses. Tu ne peux pas expérimenter le Seigneur si tu veux seulement que Dieu fasse de grandes choses. Alors j'étais en train de réfléchir. Vous vous imaginez Dieu qui va guérir la fièvre de la belle-mère de Pierre. La fièvre, seulement la fièvre. Dieu a voulu montrer que même dans les petites choses, il sait se révéler à ses enfants. Alléluia. Amen. Et Daniel a fondé cette confiance dans le Seigneur. Alors, nous sommes au chapitre 2 maintenant. Le roi va faire un songe. Le roi fait un songe. Il se réveille le matin. Il oublie le songe. Mais il se rappelle. Ça, ça n'a qu'un bougak. Que ce songe que j'ai fait la nuit est particulier. C'est un message divin. Il appelle les magiciens, il appelle les astros, il appelle les sages de son royaume. Il appelle tous ses serviteurs. Il dit, j'ai un problème. Rappelez-moi le songe. Et donnez-moi l'explication. Oh, ça j'aime. Dans la vie, il arrivera toujours un moment où Dieu va séparer ceux qui le connaissent de ceux qui le connaissent pas. Alléluia. Amen. Dans la vie, Mumaisha, il arrivera toujours à un moment donné où les gens diront celui-ci connaît Dieu et celui-là ne connaît pas Dieu. Donnez-moi le songe. Donnez-moi Donnez-moi l'explication du songe. On dit au roi, jamais un roi a demandé pareille chose sur la terre. Les gens qui connaissent Dieu sont en mesure de faire ce que jamais n'a été fait sur cette terre. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, ce qui ne s'est jamais fait dans ta famille, ce qui ne s'est jamais fait dans votre vie, ce qui ne s'est jamais fait dans cette église, quand tu connais le Seigneur, tu vas percer le mystère. Alléluia. Amen. Plusieurs familles souffrent aujourd'hui. Parce que nous qui nous disons chrétiens, nous adorons celui que nous ne connaissons pas. Roi vit éternellement. Donne-nous le songe. Nous allons te donner l'explication. Le roi leur dit, vous commencez à vous amuser avec moi. Moi, je vous demande de me donner le songe. D'abord le songe. Pour que je réalise si vous êtes vrai. Et puis après, vous me donnez l'explication. Vous me dites que je vous donne le songe. Comme ça, vous allez me mentir. Alors, si vous ne me dites pas le songe, je vais vous tuer. Non seulement vous. Mais vous voyez comment ça marche. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas seulement toi. C'est les magiciens seront tués. Même leur maison réduite en état d'immondice. Donc même la progéniture va périr parce que les parents n'ont pas eu la connaissance de la révélation. Frères et sœurs, il y a des malheurs qui touchent des maisons, qui touchent des familles, parce que toi tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la révélation de Dieu. Tu te contentes de prier quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne veux pas chercher la révélation de Dieu. Frères et sœurs, la révélation de Dieu, on ne la cherche pas dans les films. Non, la révélation de Dieu n'est pas instantanée comme le café. La révélation de Dieu, elle est profonde. Elle vient d'un contact avec le Seigneur. Nous allons le voir. Le roi dit, si vous ne me donnez pas le songe, vous allez voir ce que je vais faire. Alors, commençons par le verset 12. Et on va aller progressivement. Daniel chapitre 2, verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Verset suivant. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok. Daniel qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Verset suivant. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. La première chose, le temps que tu passes avec le Seigneur. Bien-aimé, la connaissance de Dieu vient d'une intimité avec le Seigneur. Le temps que tu passes avec le Seigneur tu peux avoir des enfants dans la maison sans les connaître parce que tu ne passes pas assez de temps avec tes enfants. Tu peux avoir un mari, une femme. En réalité, vous ne vous connaissez pas. Parce que vous n'avez pas le temps de passer du temps ensemble. Daniel va demander un peu de temps. Il sait que pour connaître certaines choses de Dieu, pour connaître Dieu, il faut passer le temps avec lui. Et c'est ce qu'on a vu aussi avec la femme samaritaine. Elle n'avait jamais imaginé rencontrer Jésus un jour. Jamais imaginé rencontrer le Messie un jour. Elle a découvert le Messie quand elle a passé du temps avec cet homme de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en début d'année. Cherche un jour en semaine qui t'appartient, que tu consacres à Dieu pour passer du temps avec le Seigneur. Le secret vient de quelque part. Ne pensez pas que c'est par un coup de bâton magique que les choses se passent. Le secret vient de quelque part. La révélation vient de quelque part. Tu n'as ni temps, ni jour, ni moment de prière, ni lieu de prière. Comment veux-tu avoir la connaissance de Dieu? Comment veux-tu avoir la différence dans ta vie? Frères et sœurs, donne-toi un jour, je te supplie. Tu te dis non, mercredi, jeudi, mardi, lundi, vendredi, samedi. Voici mes moments avec le Seigneur. C'est mon temps avec Dieu. C'est mon temps avec Dieu. Chaque serviteur de Dieu doit avoir des moments de secret avec Dieu. Des jours où il sait que ça c'est réservé au Seigneur. C'est comme un hôtel. Et Dieu sait que non, je veux le rencontrer ce jour-là. Je parle aux serviteurs. Du moins au vrai. Ceux qui veulent connaître Dieu. Oh bien-aimé. Daniel dit. Daniel anasema. Il se rend au roi, il dit, accorde-nous du temps pour donner au roi l'explication. Le verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. L'hôtel l'autel était dans sa maison. Mazabao ilikuwa ndani ya chumba yake. On va même plus loin, il va ouvrir les fenêtres en direction de Jérusalem, les fenêtres de la maison. Bali tena zaidi alifungua madirisha ya nyumba kungambo ya Yerusalemu. Bien-aimé, tu ne peux pas connaître le Seigneur. Hautaweza kumjua Bwana. Tu ne peux pas avoir la connaissance des mystères de Dieu. Hautajua mafahamu ya siri ya Mungu. Si tu n'as pas un hôtel, si tu n'as pas un lieu de rencontre avec Dieu, on nous a prêché un évangile facile. Chasser les démons. Les gens font des prières plusieurs fois. Ils meurent avec les mêmes problèmes. Et puis condamne Dieu. Premièrement, Daniel demande du temps. Deuxièmement, Daniel va dans la maison. Troisièmement, Daniel appelle ses amis. Tu ne peux pas avoir la bonne connaissance de Dieu si tu n'as pas un bon entourage spirituel. Si tu n'as pas un bon environnement spirituel, tu veux connaître Dieu, mais tes amis, chacun est dans ce qu'il est. Les gens de ce monde nous enseignent beaucoup de choses. Et avec le temps, on comprend certaines choses. Les Un jour, il y a un aîné qui m'expliquait ces choses. Quand on donnait la promotion à quelqu'un, au travail, s'il habite le camp, on le sort du camp. On le sort du camp. On change son environnement. Parce que l'environnement influence la pensée. On change même l'hôpital où il doit aller. Il a même d'autres amis. Parce qu'il les rencontre là où il est. La connaissance de Dieu demande aussi un environnement. C'est-à-dire que tu dois choisir avec qui tu marches. À un moment donné, Josué s'est retrouvé embarrassé. Il a fait de bonnes choses, Josué. Mais quelque part, la fin de Josué n'était pas très bonne. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Et Josué n'a pas laissé de successeur. Comme il n'a pas laissé le successeur, il a laissé le désordre. C'est comme ça qu'on appelle le livre de Josué. Il y a le livre des juges où on vous dit que chacun faisait ce qu'il voulait parce qu'il n'avait pas de roi. Mais ces gens viennent après Josué. Josué, comme il s'est retrouvé qu'il n'y avait personne autour de lui, il dit dans ce que les gens affichent dans leur maison, bien que je n'aime pas beaucoup ça, Josué 24 dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est un monsieur qui se rétracte sur lui-même. mambo yeye yalijikokota juu yake mwenyewe. Il dit non non, mimi nabakia parmi moi-même, je vais servir Dieu moi-même. Même si vous ne servez pas le Seigneur. Atabwe ya mtumikie Bwana. Ça c'est quel leader? Huyu ni mtangulizi wa kundi wanamona gani? Josué. Yoshua. L'environnement. Mazingira. Mais Daniel. Ça c'est yeye Danieli. Il demande le temps. Il va dans la maison. Il appelle ses amis dans la maison. Venez. Frère, 2026 n'est qu'au début. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai si tu es chrétien. Et je te dirai si tu vas aller loin dans ta vie. Ne marche pas avec les gens qui vont perdre ton temps. Toi, tu réfléchis pour avoir un magasin. Lui, il réfléchit pour aller attraper les rats en brousse. Vous ne pouvez pas, ça ne marche pas. Deux hommes ne peuvent faire route ensemble que s'ils se mettent d'accord. Kama abakubaliane vizuri. Alléluia. Amen. Il appelle ses compagnons. Anaita marafiki yake. Il instruit de cette affaire Anania, Michael et Azaria, ses compagnons. Anamwambia marafiki yake Anania, Azaria na rafiki yake wengine tena. Les engageant à implorer la miséricorde de Dieu. C'est ce que Daniel leur a dit, implorons la miséricorde de Dieu avec ses amis. Tous devaient regarder dans la même direction et chercher le Seigneur. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Dans une vision pendant la nuit. Donc ils étaient en train de chercher le Seigneur. Oh bien-aimé, prends le temps de chercher Dieu. Tu vas connaître certains mystères que personne ne connaît. La connaissance de Dieu te donne de l'avance au milieu des gens de ta génération. La connaissance de Dieu te donne de connaître ce que tes collègues ne connaissent pas. Daniel a prié. Daniel, la Bible dit, Biblia, le secret siri fut révélé à Daniel, uyu, Daniel dans une vision pendant la nuit. Onyo, katia usiku. Il était avec ses amis. Alikuwa na barafiki yake pamoja. Il était dans un bon environnement. Il était chez lui à la maison. Alikuwa nyumbani kwake. Mais Dieu a révélé à Daniel. Sasa, Mungu alimfunulia Daniel. Ils étaient trois. Walikuya watatu. Mais Dieu a révélé le secret à Daniel. Dans une vision. Katika onyo. N'oubliez pas le pentagone qu'on a donné le dimanche. La connaissance vient de la révélation. Le secret fut révélé à Daniel. Mshisabu ile sura ya mahali tano ile Mungu alifungulia siri kule kwa Danieli. Oh bien-aimé. Basi, wapendwa. Alors Daniel, quand tu as la connaissance, Danieli, wakati unakuwa na ufahamu, tu ne peux qu'agir. Sasa ni kutenda tu. Tu ne peux que agir. Pale, sasa ni kutenda tu. Alors Daniel s'est levé pour aller voir le roi. Sasa Daniel alisimama anaendea kuona mfalme. Il arrive devant le roi. Anafika mbele yake. Il explique d'abord au roi le songe que le roi avait pendant la nuit. Il dit, roi, tu dormais. Avant de dire ça, je vais dire quelque chose. Mettez-moi un peu le verset 27. 27-28. Avant de donner l'explication, versets 27 et 28. Regardez. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ça, c'est terrible. Frère, rassurez-vous. Il y a des choses sur cette terre que même pas les sorciers sont en mesure de connaître. Alléluia. Amen. C'est réservé aux gens qui sont entrés en contact avec le Seigneur. Le verset 28, mettez le verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Le roi a sursauté. Et il lui donne le songe de cette statue géante. Ce n'est pas mon objectif ce soir de parler de la statue. La tête est en or. Le tronc est en airain. Et en cuivre, merci beaucoup. Les jambes, les bras sont en fer. Les jambes sont en argile mélangée à du fer. Et il voit un caillou, une pierre qui sort sans le secours d'une main. Qui vient briser la statue. Le roi dit, tu as dit vrai. Il lui donne d'abord le songe. Il lui donne l'explication. Mais pour avoir ça, il devait connaître le Seigneur. Daniel, avec les expériences qu'il avait déjà faites avec Dieu, Daniel il a dit, roi, donne-moi le temps. Le Dieu que je connais, il est capable de révéler ses secrets. Frères et sœurs, le Dieu que tu connais, et si tu connais ton Dieu, il y a des secrets que tu connaîtras que personne autour de toi ne connaîtra. Et celui qui détient les secrets dirige. Alors, je vais donner les résultats de la puissance de la connaissance, et puis on va prier. Donc, verset 46 à 49. Les quatre versets nous donnent les résultats de la puissance de la connaissance. Mettez-moi les versets 46 à 49, oui. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Bien-aimé, un roi qui se prosterne devant Daniel. Qui devient roi? Si tu connais ton Dieu, si tu connais Dieu, il te donnera une position au-dessus des positions des hommes. Le roi se prosterne devant Daniel. Et il a ordonné qu'on offrit des sacrifices de parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième puissance. Où est-ce que tu as pu? Les gens connaîtront ton Dieu. Watu watatambua wako Mungu. Nous avons évangélisé. Nous évangélisons. Il y en a qui sont au micro, il y en a qui donnent des macarons, il y en a qui donnent les tracts, tout ça c'est bien. Mais quand on connaît Dieu, il y a des gens qui viendront à Dieu parce qu'ils vont constater que réellement tu connais Dieu. La Bible dit qu'il arrivera dans le temps où les femmes vont se précipiter pour dire nous voulons seulement porter ton nom. Donc le monde cherchera à porter le nom de notre Dieu si nous connaissons Dieu. Église 2026. Il faut que les gens de ce monde connaissent le Dieu de cette église. Il faut que les gens de ce monde connaissent ton Dieu. Quand Dieu aura révélé ses mystères, quand Dieu aura révélé ses secrets, frères et sœurs, tu ne parleras pas. Les gens verront et ils suivront ton Dieu. Alléluia. Amen. Les gens n'adorent pas Dieu parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu que nous adorons nous-mêmes. Le roi a adoré Dieu. Votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Frères et sœurs, c'est-à-dire quelque part, si le monde n'est pas sauvé, c'est qu'il y a des choses que nous ne faisons pas. Verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel. Frères et sœurs, la connaissance de Dieu t'élèvera. Joseph n'a pas été élevé en Égypte parce qu'il était égyptien, parce qu'il connaissait la comptabilité, parce qu'il connaissait la gestion. Pharaon a dit, en qui trouverons-nous quelqu'un qui a l'esprit de Dieu comme Joseph? La connaissance de Dieu élève quelqu'un. Élève quelqu'un. Troisièmement, ou quatrièmement, et il lui donna de nombreux et riches présents. On dirait que la connaissance de Dieu attire la richesse vers nous. Beaucoup se plaignent. Se plaignent même de leur pauvreté. Et ils pensent que leur pauvreté est justifiée. Parfois nous pensons justifier nos manquements. Non, bien-aimé. Connais Dieu. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois t'habituer, comme disait un pasteur, tu dois t'habituer à l'or sur la terre pour éviter de dire le mining au ciel quand tu verras l'or. Il lui donna le commandement de toute la province et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. La connaissance de Dieu va te distinguer de tes semblables. Nous avons tous étudié comme ingénieurs. Nous sommes tous médecins. Nous sommes tous avocats. Nous sommes tous ce que nous sommes. La connaissance de Dieu va te distinguer. Amen. tu as tes consoeurs, tes co-épouses, moi bon, tu as combien épousé dans la même famille. La différence viendra dans la connaissance de Dieu. Vous faites tous les mêmes affaires au marché. La différence viendra dans la connaissance de Dieu. Regardez le verset 49, puis on va prier. Daniel pria le roi de remettre les tendances de la province à Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel akamwomba mfalme naye aliweka Shadraki, Meshaki na Abednego yule maneno yote ya Babeli. Mais Daniel a compris. Sasa Daniel alielewa. Que frère, quand tu as la connaissance de Dieu. Duku, kama unafahamu ya Mungu. Quand Dieu t'élève à un niveau donné. Kama Mungu anakupandisha kwa hatua fulani. Pour maintenir l'environnement. Ili uchunge kwa hali ile mazingira. Il a tiré ses amis. Sasa aliweza kunyanyua tena marafiki yake. Il faut se sécuriser. Sans c'est encore la connaissance de Dieu. Dieu est entouré de 24 veillards, d'êtres vivants. Il n'est pas entouré de creuseurs, de gens qui vont compliquer le ciel. Ne t'entoure pas de gens qui vont te compliquer. Et quand quelqu'un connaît Dieu, il peut faire élever d'autres. Il y a d'autres personnes qui peuvent être sauvées par vous. Connais le Seigneur. Il y a le salut des autres qui passera par toi. Il y a la guérison des autres qui passera par toi. Il y a l'élévation des autres qui passera par toi. Bien-aimés, nous sommes en train de poser des bases, et je nous supplie. Nous démarrons l'année. Serviteurs de Dieu. Enfants de Dieu. La connaissance de Dieu est une puissance. Je récapitule ce qu'on a dit aujourd'hui. Parce que c'est l'enseignement. Et on va prier. Nous avons introduit en parlant de la connaissance comme une situation, comme un état d'un groupe ou d'une personne. Un état d'un groupe ou d'une personne qui amène la domination comme résultat après avoir connu le Seigneur. Nous avons dit aussi, en parlant de la femme samaritaine, que Jésus lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc nous avons compris que nous pouvons être à l'église, nous pouvons servir Dieu sans le connaître. Et il y a plusieurs personnes qui vont dans des montagnes. Ce n'est pas dire que quand je monte à une montagne que je connais Dieu. Ce n'est pas que quand je prie que je connais Dieu. Mais la connaissance de Dieu, elle est très importante. Cette femme, c'est le fait de passer le temps avec le Seigneur. C'est alors qu'elle a découvert que c'est lui le Messie. On a vu que la connaissance de Dieu est une puissance. Et on a pris l'exemple de Daniel. D'abord, nous avons compris que Daniel a connu le Seigneur avant les épreuves. La connaissance de Dieu va te permettre pendant les situations difficiles d'adopter un comportement conséquent. Bien-aimé, n'attends pas des situations difficiles pour prier. Connais Dieu pour être en mesure de gérer des moments difficiles dans la vie. Et nous avons dit ceci. Chaque serviteur cherche un endroit, cherche un jour, cherche un lieu comme hôtel avec le Seigneur. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas un jour de retraite dans la semaine. Tu n'as pas un jour de retraite dans le mois. Donc toi ta prière c'est seulement quand nous venons à l'église. On dit chassons les démons, tu chasses. Tu penses qu'il y aura des résultats? Non frère, ça ne marche pas comme ça. Pour que les secrets te soient révélés, pour connaître certains mystères, toi-même tu dois être un mystère. Quand le roi a eu le songe, il a voulu tuer tout le monde. Daniel est venu demander au roi, donne-moi le temps. Parce que le Dieu que je connais est capable de révéler ces choses. Mais il faut du temps dans la communion, dans le contact avec Dieu. Il est entré en prière. Il a sauvé la vie même des païens, les magiciens, les astrologues, tous ces gens-là ont eu la vie sauve par Daniel. Deux, le roi s'est prosterné devant Daniel. La connaissance de Dieu a commencé à changer la position de Daniel. Trois, le roi a élevé Daniel. Quatre, le roi a commencé à adorer le Dieu de Daniel. Cinq, le roi a donné des richesses à Daniel. Six, il a donné le commandement des provinces à Daniel. Sept, Daniel a sauvé ses amis. Daniel a dit au roi, non, même mes amis, tu peux les établir comme intendants de province. Frères et sœurs, 2026, il y a des choses qui sont déjà libérées dans l'environnement spirituel. C'est à nous de nous appliquer. Idéalement, je devais mettre les deux thèmes côte à côte. Quand je priais ce matin, ça m'est venu vraiment à l'esprit. Va avec la force que tu as. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils agiront avec la force qu'ils auront reçue en connaissant le Seigneur. Frères et sœurs, le temps est arrivé. Ne te plains plus. Agis. Mais pour agir, il faut connaître le Seigneur. J'aimerais que pendant quelques temps, nous prenions le temps en prière. D'où viendra la connaissance de Dieu? Elle viendra de la révélation. Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, pendant qu'il priait. Et rassurez-vous, les moments difficiles dans la vie sont des bons moments pour que Dieu se révèle à nous. Nous nous inclinons en prière. Prends la position que tu veux. Nous voulons prier. Supplie le Seigneur qui se révèle à toi. Tu as une situation difficile. L'année devant toi, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Élève ta voix. Commence à prier. Élève ta voix. Prie, sois au-dessus des instruments. Élève ta voix. Thank you. Ne méprise pas tes secrets, tes expériences passées. Il y a une base. Il y a une base de révélation. Il y a une base de révélation. C'est que tu as agi hier. Me montre que tu peux agir demain. Merci, Jéhovah. Hier, je suis passé dans le chemin de la mort. Tu m'as protégé. Hier, je suis passé sur la table de la technique. Pendant que les gens mouraient, tu m'as donné la vie. Hier, je suis passé humilié par les hommes. Tu m'as protégé. C'est ce que tu as fait hier. Oh, je te connais. Je sais que quand j'ai des problèmes, je peux revenir à toi. Ce soir, je reviens à toi. Je reviens à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a des secrets, il y a des mystères. Tu as révélé à Daniel, tu as révélé à Daniel. La mort s'est éloignée. Seigneur, révèle-moi que la mort s'éloigne. S'éloigne de ma vie, s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te prie, je te prie, je te prie. Je te prie, je pour l'éternité. Être brisé par les écritures. Ce soir, offrir ma vie comme une monture. Dieu de révélation. Dans l'intimité. Révélé à lui. Révélé à tes côtés pour l'éternité. Je te prie. Être brisé par les écritures. Offrir ma vie comme une martyre. C'est pourquoi je reviens. C'est le Dieu que je connais. Je sais comment attirer ton regard. Prenez-moi, Adonai. Je prie. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car je sais comment attirer ton regard. De moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagarre. Car je mis de côté tous mes morts pour m'offrir moi-même en sacrifice tout à toi. Je m'aidons tout à toi. Je m'aidons en parfum, Seigneur. Je m'aidons en parfum pour toi. Je m'aidons en parfum ce soir. Je m'aidons en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Chante un parfum qui danse. Décide-toi toi dans la vie ce soir. Je veux te connaître, Seigneur. Laisse-toi dans la vie. Être et distingue ceux qui le connaissent. Et distingue ceux qui le connaissent des autres. Et distingue ceux qui le connaissent des autres. Et distingue ceux qui le connaissent des autres. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour l'Église. Je prie pour ton peuple. Il y en a qui ont raté beaucoup de choses dans la vie. Parce que loin de toi. Pendant qu'il écoute ce message, qu'il prenne la décision. De te chercher, de prendre du temps, et toi aussi, entendre ta voix, révèle-toi, Seigneur. Révélation, je me donne tout à toi, je me donne tout à toi. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Je me donne tout à toi. Merci Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous donnons nos offrandes. Nous donnons nos offrandes. Offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je suis là, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la paix.